Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. C'était une espèce d'ovni. Elle débarque et elle fait quelque chose qui n'est dans aucun dictionnaire, dans aucun code. Il y a quelque chose d'assez déjanté dans sa façon de danser son charleston. Cette semaine, il y a de l'orage dans l'air. Simenon devient son secrétaire et son amant. Poiret l'habille. Hemingway fréquente son nouveau cabaret. Colette lui écrit des lettres. Calder sculpte son corps. Van Dongen la dessine. Et Picasso l'appelle la Néfertiti de son époque. Smoking de travers. Elle ne voulait pas que l'on voie ce qu'il y avait de dramatique à être la première star noire internationale. Hier, en Dordogne, une résistante était à l'honneur, une résistante célèbre. Dans son château des Milandes, vous avez deviné de qui je veux parler, de Joséphine Baker, qui a reçu la Légion d'honneur. Et pour recevoir cette Légion d'honneur, elle avait remis son uniforme. Avec votre permission, voudrais vous raconter une toute petite histoire. Quand le jazz est là. Comme ceci. Histoire vivante, cette semaine, Joséphine Baker. Aujourd'hui, entretien avec Ilana Navarro, réalisatrice du documentaire « Première icône noire ». Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse ? Je suis Ilana Navarro, je suis réalisatrice, la réalisatrice du documentaire sur Joséphine Baker, « Première icône noire ». Alors ça, c'est disons... L'actualité, oui. Mais avant une actualité, il y a souvent un passé, il y a des origines, il y a des goûts, des choses qu'on aimerait faire, des pistes qu'on aimerait suivre. Il y en a d'autres qui se présentent par hasard, par circonstance. Qu'en est-il pour vous ? Je suis née à Istanbul, donc je suis en France que depuis 17 ans. Je dis que parce que je reste quand même une étrangère, même si... J'ai bien pris ma leçon française qu'il fallait s'assimiler, mais bon, je reste quand même une étrangère. Et j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis, donc je travaille, ça fait très longtemps que je travaille sur comment c'est que d'être une minorité dans un pays à majorité différente de vous. C'est une thématique qui m'a toujours passionnée et qui fait que je peux voir les pays un peu à travers ce prisme-là. Donc, voilà. Joséphine Baker, on va dire, c'est elle qui m'a trouvée. C'est pas moi qui l'ai trouvée. Mais comment ce thème vous vient-il? Il vient par vos études, il vient par une constatation dans votre vie personnelle, C'est toujours une combinaison des choses, effectivement. Ça vient de mon parcours personnel, c'est-à-dire je suis d'une minorité en Turquie, donc... je sais ce que c'est de se vivre comme quelqu'un d'être différent aux autres, et je sais ce que c'est que d'être perçue comme une Turque en France et comment c'est d'être perçue comme différente par les autres. Donc c'est une thématique qui m'a toujours passionnée, effectivement, et ça a un peu guidé mes études. J'ai fait des études de sociologie aux États-Unis et tout mon travail en tant que réalisatrice ou journaliste auparavant ou de radio, c'est plus ou moins autour de ces questions-là, du vivre ensemble, on va dire, et de construire une identité, de comment vivre sa différence, de l'identité d'un pays comme la France par exemple. Et donc je travaille effectivement énormément autour de ce sujet-là par des biais extrêmement variés, un peu qui a un fil qui n'est pas facile à trouver effectivement dans mon travail, que moi je sais très bien ce qu'il est, mais qui n'est pas facile à voir à mon avis de l'extérieur. Il se trouve que ma productrice l'a vu et c'est elle qui m'a proposé de travailler sur Joséphine Baker qui lui avait été commandée par Arte. Ilana Navarro, si vous l'avez lu, si vous l'avez en tête, dans Sa Majesté des Mouches de William Golding, le regretté William Golding, où donc des jeunes enfants, adolescents de collège anglais se retrouvent paumés sur une île à la suite d'un accident d'avion, il y a parmi eux celui qui va servir de tête de Turc, si j'ose dire. Mais assez curieusement, William Golding dessine ce personnage de Peggy, c'est le surnom dont il a été affublé, d'une certaine fierté à se trouver être différent. Vous voyez où je veux en venir, entre la sensation d'être différent et de pouvoir avoir l'occasion de s'en plaindre, mais peut-être également une certaine forme de Fierté intérieure, où vous situez-vous, je vous prie? Bah, c'est exactement les deux, hein. Moi, je vais pas dire l'inverse. Il y a une place extrêmement, extrêmement intéressante, effectivement un peu privilégiée d'être un peu vue comme celle qui ne rentre pas dans les rangs par la majorité des gens. Et je trouve que c'est une place, effectivement, qui est assez difficile à vivre. Ça peut être très difficile à vivre, comme ça peut être très avantageux. On peut dire que c'est la place du paria. C'est quelqu'un qui peut voir, du coup, la société d'un œil très différent de la majorité, qui ne voit pas dans quoi il baigne. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous voyez beaucoup mieux toutes les failles d'une société. Et effectivement, moi, je me considère comme celle qui est aussi un peu fière, on va dire, de cette place-là, parce que effectivement, j'ai l'impression de voir plus facilement les choses où que je sois. Peut-être c'est un peu schématisant, mais ça n'est pas, parce que en fait, c'est une expérience du vécu qui fait que vous êtes plus sensible par votre peau, par votre manière de vivre les choses, les autres vous voient, les commentaires que vous avez. À cette place, effectivement, j'en suis assez fière et c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes enfants, à mon fils. N'y a-t-il pas là le piège de la grille de lecture? La grille qui collerait à toutes les circonstances, toutes les époques, qui permettrait tous les raccourcis. Ça aurait pu être effectivement le cas. Il se trouve que en France, effectivement, je trouvais qu'il y avait un... Pour le coup, c'est quelque chose qui manquait à la compréhension de ce personnage que fut Joséphine Baker pour la France, qui, je pense qu'elle a été assez mal comprise par les Français, assez mal lue dans le contexte français. Elle a été vue souvent comme une danseuse à la banane qui a reproduit un peu des schémas de fantasmes coloniaux, de racistes ou autres, ou bien comme une personne un peu ringarde qui a essayé à tout prix de s'y coller à son projet de tribu arc-en-ciel dans les années 50-60. Pour ceux qui se souviennent, ils se souviennent énormément de cette histoire qui avait traîné dans tous les journaux, dans toute la presse pendant... Mais ceux qui nous écoutent sont très jeunes, donc non seulement ils ne se souviennent pas, mais peut-être même ils ne connaissent pas. C'est possible. Donc, il faudrait peut-être parler un peu de Joséphine. Mais je vous en prie. Donc, Joséphine Baker, effectivement, c'est un personnage qui m'a effectivement tout de suite passionnée de la raconter, parce que effectivement je voyais bien tout avec quoi elle avait à jongler quand elle est venue en France dans les années 20. C'était la France était en pleine expansion coloniale, c'était une Afro-américaine à qui on avait dit qu'en France c'était mieux d'être à cause de la couleur de sa peau. En tant qu'Afro-américaine, et les Français étaient dans une fascination réelle envers les Afro-américains qu'ils voyaient comme issus d'une culture moderne, non seulement moderne parce qu'ils étaient américains, mais dans leur manière de jouer de la musique, le jazz. Les Français se sont vraiment passionnés de ça. On lui a donné une place particulière qui n'était pas celle à quoi elle s'attendait, ni celle à quoi elle était habituée, ni à quoi elle s'attendait. Du coup, elle a dû jongler beaucoup avec le regard qu'on a posé sur elle. Parce que c'était un regard, évidemment, qui mélangeait beaucoup de fantasmes. C'était pas juste une fascination de l'Amérique. C'était aussi la période où on voyait jamais de corps noirs en dehors des expositions coloniales qui circulaient dans la France à l'époque. Donc, on voyait des gens dans des villages reconstitués en train de jouer aux sauvages, enfin, jouer soi-disant leur propre vie, mais c'était vraiment des Africains portés de leur village avec dans des huttes, c'est ça qu'on envoyait des Noirs en France, ou bien on en voyait rarement sinon. Et Joséphine, elle arrive là-dedans et en fait, effectivement, de par ses producteurs, on lui demande de jouer à la sauvage, c'est-à-dire on lui demande d'être quasi nu et de porter plus tard une certaine ceinture à la banane. Mais, la manière dont elle le fait, elle n'est pas vraiment une Africaine. La manière de bouger n'est pas africaine. Et sa manière de le porter n'est pas non plus africaine. Et donc, elle improvise avec ce qu'on lui colle pour en faire autre chose. Pour faire quelque chose pour choquer les gens, quelque part. C'est sa manière de subvertir le fantasme qui m'a le plus intéressée, justement, dans ce documentaire. J'adorais comment elle jouait avec les préjugés pour en faire autre chose. Ilana Navarro, vous en parlez comme si elle faisait partie de votre famille. Bah oui, c'est vrai. Non, vous ne l'avez pas connu. Je suis allée à son château. Et les gens qui n'ont pas encore vu votre documentaire vous rejoindront sans doute dans ce que vous dites. Faire un documentaire comme ça, c'est se heurter à la difficulté de trouver de l'archive. Vous, vous avez combiné, mais on va peut-être, avant d'arriver aux archives, dire un mot aussi de votre parcours. C'est que vous êtes une spécialiste des dualités. Le documentaire, mais également la radio, l'image et donc naturellement le son, la fiction et donc également le réel. Là, pour Joséphine Baker, vous n'avez peut-être pas eu le choix d'ailleurs. Il fallait prendre aussi bien des images anciennes appartenant au domaine de la fiction que celles appartenant au domaine du documentaire plus classique. Alors, est-ce que vous, ou de l'archive tout simplement, est-ce que vous pourriez peut-être un peu nous donner un aperçu des sources, des archives que vous avez pu utiliser? En fait, avant d'arriver aux archives visuelles, effectivement, il y a eu un travail énorme fait sur les mémoires de Joséphine Baker, parce qu'elle a quand même écrit, en collaboration avec d'autres personnes, énormément ses mémoires. Donc, elle a plus de 4-5 autobiographies, écrites toujours avec d'autres personnes. Donc, c'est jamais exactement le même langage. Ceci dit, on retrouve effectivement des récits assez authentiquement racontés dans plusieurs de ses ouvrages. Et très vite, j'ai su qu'il fallait raconter son expérience telle qu'elle l'a vécue. Et je me suis attardée, enfin mon idéal au départ, c'était de raconter uniquement le film avec comme elle a vécu les choses. Très vite, je me suis aperçue que de le raconter que de son point de vue ne tiendrait pas la route, vu qu'elle n'était elle-même pas consciente de ce qu'elle vivait à ce point-là, parce que la réalité l'a dépassée, le regard sur elle l'a dépassée. Donc il fallait quand même juxtaposer ce qu'elle vivait avec une matière qui racontait un peu l'époque, qui racontait un peu comment elle aurait pu être vue et tout ça. Donc ça, c'est effectivement le premier travail énorme qui a été fait, c'était celui-là. En parallèle, on a fait effectivement un travail énorme avec la documentaliste Carole Grand qui a été géniale pour vraiment découvrir ce qu'il y avait en dehors des chantiers battus. Il y a énormément de photos. C'était la femme la plus photographiée du monde. Ouais. Époque, en tout cas. Il y a une matière énorme de photos. Elles sont toutes les plus belles les unes que les autres. Et on voulait trouver aussi des images un peu inédites, enfin un peu en dehors de ce qu'on a déjà vu d'elle. Effectivement, il y a les films de fiction qui reflètent pas mal aussi son histoire, puisque tous les scénarios sont plus ou moins écrits cousus mains sur ce qu'elle a vécu elle, enfin par pour le meilleur et le moins bien. Voilà, pour le meilleur et le moins bien. Elle n'est pas la meilleure actrice du monde, mais le scénario néanmoins reflète le regard qu'on peut poser sur elle à perfection. Donc on peut pas vraiment se permettre, à mon avis, le luxe de ne pas utiliser des images fiction, fut-elle chère, très chère. Et il fallait surtout que ma productrice trouve des sous, parce que tout ça coûtait très très très cher. Et ce qui a été le cas, donc on a effectivement eu une énorme aide de médias, et on a réussi à acheter tout ce qu'on voulait. Un soir, une femme blanche m'a attendue après le spectacle. Elle était productrice, et elle montait un spectacle noir à Paris. Et elle voulait m'embaucher. Joséphine sait que c'est la chance de sa vie. Elle embarque. Le jour du départ, je n'ai rien vu. Je suis restée toute la journée enfermée dans ma cabine. J'avais tellement peur. Peur de la mer, peur de l'Europe, peur de l'inconnu. Sydney Béchette m'a glissé à l'oreille. N'aie pas peur. Tu verras, les Parisiens ne font pas attention à notre couleur. Et il avait raison. Dès l'arrivée, j'ai été stupéfaite d'être traitée comme une égale par les Blancs et de pouvoir me mélanger avec eux. Partout, on nous accueillait avec le sourire. Mais alors, c'est vraiment ça, la liberté? Joséphine est immédiatement conquise par Paris. Ses rues étroites, ses terrasses de café, ces voitures qui klaxonnent en permanence, ces amoureux qui s'embrassent en pleine rue. Pourtant, le rêve parisien de Joséphine est déjà sur le point de s'écrouler. Les promoteurs du spectacle sont dans l'angoisse. La revue nègre est trop américaine, trop prude, alors que le public attend la sauvagerie de l'Afrique. C'est pas possible. Il ne reste que 3 jours pour trouver l'idée de génie qui sauvera le spectacle. Tous les regards se tournent vers Joséphine. Dans la troupe, c'est la plus drôle, la plus sexy, et elle n'a pas froid aux yeux. C'est décidé, ce sera elle la vedette. Et l'un des numéros, elle le dansera seins nus. Ça, le public parisien ne risquera pas de l'oublier. Je voudrais être blanche, pour moi quel bonheur. Si mes seins, mes hanches changent de couleur, au soleil c'est par l'extérieur qui lance d'or. Moi c'est la flamme de mon cœur qui m'accolore. Mais je suis blanche, dites-moi monsieur, faut-il que je sois blanche pour vous faire mieux. Un extrait de Première icône noire. Histoire vivante. Cette semaine, Joséphine Baker, suite de l'entretien avec Ilana Navarro, réalisatrice du documentaire Première icône noire. Vous avez certainement, vous êtes passé de surprise en surprise, Ilana Navarro, parce que Joséphine Baker est en son temps une star comme on n'a pas idée et que votre documentaire rappelle avec précision. Lors même qu'aujourd'hui, on peut dire qu'elle est un peu oubliée ou gommée d'un grand nombre de mémoires. Je pense que du côté des jeunes générations, ce n'est pas du tout une silhouette qui a été de nouveau réinjectée dans le circuit, si j'ose dire. C'est vrai que l'une de mes intentions les plus profondes, ce que je voulais, c'était d'enlever de la poussière qu'il y avait sur ces personnages. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de poussière sur elle, et pas nécessairement pour le bien. Pour son bien à elle, c'est-à-dire ça cachait exactement ça, c'est-à-dire ça cachait que c'était un personnage extrêmement moderne pour son temps, qui était innovateur, qui n'a pas arrêté de se renouveler avec le temps. Bon, elle a eu beaucoup, elle avait des naïvetés politiques énormes. C'était pas une révolutionnaire, c'était pas Angela Davis, quoi. C'est pas ça. Joséphine Baker, c'est une femme plus tard dans sa vie plus conventionnelle, une femme de son époque, on va dire. Mais néanmoins, c'est quand même la première qui a dû s'affranchir de tout ce que la société projetait sur une première star noire de l'histoire. C'est énorme. Elle a dû être toute seule face à ça. Et justement, parmi les archives inédites qu'on a trouvées, celle pour laquelle on est le plus fier, c'est des archives de son voyage en 1928 en Hollande. Elle a voyagé partout dans plus de 20 pays européens. Et là, on a trouvé une image d'une performance de rue en Hollande. On ne sait pas trop où, Volendam, je crois, mais voilà. Elle est habillée en hollandaise avec des sabots et tout le costume folklorique des hollandaises à l'époque, avec une chape. En tout cas, une coiffe, voilà, assez volumineuse. Une coiffe volumineuse. Il faut préciser que les sabots sont en bois. Voilà, les sabots sont en bois. C'est pour le Charleston. Voilà. Et dans la rue, elle danse le Charleston avec des sabots en bois, entourée de tous ces Hollandais qui sont habillés exactement comme elle, qui la regardent bouche bée. Et il y a une femme qui vient attraper le bébé que Joséphine essaye de faire danser et qui l'enlève. Et Joséphine pose comme un clown en se penchant comme ça vers l'avant, en disant presque, voilà, c'est... Toutes mes excuses, maîtresse. Plus ou moins, ouais. Et effectivement, là, on voit comment, à quel point elle jonglait avec le regard posé sur elle. Et c'est une archive extraordinaire qui montre vraiment comment, en Europe occidentale de l'époque, on pouvait voir une performeuse comme elle débarquer, porter des costumes folkloriques des villageois de l'époque. C'est un document assez inédit et qui en dit vraiment long sur l'Europe et comment ça s'est ouvert, hein, d'une Europe multiculturelle, en fait. Ilana Navarro, je ne sais pas si vous êtes tombée sur cette information. J'ai lu quelque part que on aurait pensé à Joséphine Baker pour qu'elle devienne la reine des colonies à l'occasion de l'exposition coloniale de 1931, sujet qui m'intéresse personnellement beaucoup. J'avais pas entendu parler de cette histoire-là. Finalement, on a laissé tomber l'idée. Alors, est-ce elle qui a dit non merci? Non, c'est certainement pas elle. C'est pas elle. Vous pensez qu'elle aura accepté? C'était ambigu. Ah, bah, bien comme sûr. Reine des colonies. Joséphine. Ah oui. Joséphine Baker, c'était une femme qui acceptait tout. Elle a. Bon. Non, mais c'est vrai. Elle n'avait pas une conscience politique des choses. Elle n'avait pas appris à dire non. Non, c'est pas, elle avait sans doute appris à dire non, mais en tout cas, pour tout ce qui est une opportunité pour sa carrière, elle n'allait pas aller être dans le politiquement correct, surtout pas à l'époque, et elle, surtout pas, elle, et surtout elle venant d'Amérique. Dans le sens que elle vient d'Amérique où elle n'a même pas le droit d'être dans des performances avec des blancs, laisser tomber une reine. Là, elle est reine, elle a dû voir reine et pas le reste. Et je pense pas que, effectivement, ça c'est justement la manière dont on a voulu s'emparer de l'image de Joséphine en France, c'est en lui donnant ce statut-là, reine de colonie. Comme après la presse afro-américaine a protesté en disant, mais elle n'est même pas issue des colonies françaises, elle est américaine. Finalement, ils ont inventé un titre Reine des colonies internationales, Reine internationale des colonies, pendant l'exposition coloniale de 1931. Joséphine Baker a été quelqu'un qui avait un regard, qui n'avait pas vraiment un regard sur la France et ses colonies, qui a refusé de l'avoir parce que pour elle, la France était, et il fallait qu'il le reste dans sa tête, un pays de contes de fées où on l'acceptait telle qu'elle était. Sans la juger de sa couleur de peau et en lui donnant la place qu'on lui a donnée. Donc, voilà. Ilana Navarro, on peut dire que Joséphine Baker a connu quelques hommes dans sa vie, mais il y en a un, c'est ce fameux comte à Batineau. Oui. Parce que alors lui, je le trouve vraiment charmant. Enfin, vraiment tout à fait extraordinaire. Quoi. C'est un personnage de chez les Marx Brothers, quasiment. Complètement. Il y a d'ailleurs une chercheuse maintenant, une chercheuse qui est spécialiste de Joséphine Baker, qui a dit que son prochain ouvrage serait sur le comte à Batineau. Présentez-le, nous, s'il vous plaît. Donc, c'était en fait un... Je sais plus, j'ai oublié qu'il est sicilien. Oui, il est sicilien. Il est sicilien et en fait, il a débarqué en France. Il s'est. Je dis ça parce qu'il justifie sa jalousie auprès de Joséphine Baker, ouais. En disant, faut pas oublier d'où je viens. Donc voilà, oui, il est sicilien. Il est sicilien et en fait, il s'est fabriqué un personnage quand il est venu en France. Il fréquentait les gens de la bonne société. Il s'est prétendu être un comte. Et que soi-disant qu'il avait des origines aristocratiques en Italie et il se faisait appeler le comte à Batineau, son nom Joséphine l'appelait Pepito. Et en fait, c'est lui qui a un peu été le soutien de Joséphine, on va dire qui a fait le plus grand marketing de Joséphine dans les années 20. Une fois qu'elle était venue en France et qu'elle avait quand même eu ses premiers débuts après la Revue Nègre en 1925, puis après aussi sa sortie aux Folies Bergères avec la ceinture de banane. Tout ça, c'était avant. Après, elle a rencontré le comte Abatino, qui était un très bon businessman et qui a vu un potentiel énorme en Joséphine, qui a fait écrire des scénarios pour elle sur mesure, qui a sorti des produits à son nom, le Baker. Produits dérivés. Baker Skin pour se bronzer la peau et Baker Fix pour se coiffer se comme dominer elle. Les cheveux, oui. Voilà. C'est quand même aussi une histoire invraisemblable d'amour, enfin tout au moins une relation amoureuse. Comment la princesse rencontre la citrouille? Et effectivement, ça reste un mystère. C'est un mythomane, ça c'est sûr, parce que Joséphine. Mais ça, il l'a pas inventé. Enfin, il a inventé peut-être ses origines. Ses origines, mais Joséphine y a cru. Enfin, même quand elle l'interviewait à l'époque en disant pourquoi vous mariez à lui, elle disait non, j'ai fait envoyer des détectives, il était bien un comte. Enfin, elle cautionnait Joséphine, hein. Donc, c'était pas, elle y croyait vraiment à son histoire, je pense. Elle était un peu naïve, elle voulait sans doute y croire aussi. Et puis surtout, elle était seule, Joséphine, quand même. Elle était très, très seule. Enfin, elle était seule face à un énorme succès. Tous les Afro-Américains qui était à Paris à l'époque, c'était incomparable son succès face à eux. Et du coup, elle s'isolait de plus en plus. Imaginez, apparemment, on raconte que voilà, sa meilleure amie, qui était une teneuse d'un club de jazz à Paris, Ada Bricktop, qui est un personnage en soi, c'était sa confidente. Apparemment, Et quand Bricktop allait chez Joséphine, elle enlevait comme ça sa robe de soirée qui lui a été offerte par les plus grands couturiers. Elle le laissait par terre. Elle lui disait, mais qu'est-ce que tu fais avec ton costume? Elle a dit, oh, t'inquiète pas, il m'en offre un tous les jours. C'était ça, Joséphine. Joséphine, tout le monde la voulait. Donc, effectivement, à un moment, ça l'a isolée énormément. C'était une personne seule. Elle ne savait pas comment faire face à toutes ces demandes. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse la prendre en main. Elle a soif de reconnaissance. Cette reconnaissance, elle l'a à la puissance N. Et on a l'impression en même temps que c'est quelque chose qui lui bouffe une énergie, qui lui mange une énergie phénoménale, énergie qu'elle a en elle-même extrêmement forte pour mener, c'est ce qu'on découvrira dans votre documentaire, Ilana Navarro, un nombre de combats absolument variés, avec une ligne rouge quand même, si j'ose dire, dans son éditorial de combat à elle. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours cherché un défi dans sa vie. C'est-à-dire, ça ne lui suffisait pas. Il y a un moment où être sur scène, être là, une star internationale, ça ne lui suffisait pas. Et elle a choisi, en fait, de vivre des expériences effectivement extrêmes. D'où, pendant la guerre, aussi sans doute vu son âge, et qu'elle se disait qu'il fallait renouveler son image, autrement elle cherchait une manière de le faire, avec un souci un peu de ça sans doute. Elle a rejoint la résistance pendant la Deuxième Guerre. Ça, c'était un choix que pas tout le monde a fait en France, parmi même les stars de la France de son époque. Et là, elle s'est vraiment engagée, et quand elle parle de ce moment d'engagement, non seulement c'est... Au départ, quand on la voit parler de comment elle a rejoint la résistance, ça paraît un peu comme dans un film, enfin, on n'y croit pas trop. Plus tard, une fois qu'elle a transporté des messages secrets dans ses soutiens-gorge ou bien sur des partitions écrites à l'encre sympathique et tout ça, quand elle se retrouve au Maroc pendant de nombreuses années avec un membre de la résistance qui se faisait passer pour son assistant, Jacques Haptet, il y a eu un moment où il n'avait plus de lien avec la résistance parce que d'une certaine manière, la résistance les a écartés, pas pour des raisons qu'on sait pas trop ou qu'on n'a pas su. Elle a retrouvé à chaque fois une certaine force pour redémarrer. Et elle a redonné une force à son assistant, Jacques Haptet, qui était quand même chef des services secrets de renseignements parisiens juste avant la guerre, et qui a rejoint la résistance du coup, après coup. Vous nous rappelez le titre du documentaire, je vous prie. Joséphine Baker, l'histoire, première icône noire. Merci de votre visite au micro d'Histoire Vivante. Tu veux que je te chante une belle chanson, mais je ne connais pas la musique. Je peux, si tu le veux, prendre quelques leçons et suivre les concerts symphoniques. Mais je trouve ça bien inutile, fatigant et difficile. Alors, si tu veux m'écouter, je vais faire un effort et je vais chanter. Sur deux notes, je te dis que je t'aime. Sur trois notes, je te donne mon cœur. Sur quatre notes, je développe le thème. Et puis toute la gamme, je chante mon bonheur. Sur deux notes, je vais mettre caresse. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première et il est 14h.